Bon, c'est un travail, quand on commence là-dedans, plus on rentre là-dedans, plus il y a les choses à faire. On a travaillé, par exemple, au niveau de mon organisation, de manière à avoir, à modifier, à faire tout un travail d'éducation pour changer les mentalités négatives des hommes envers les femmes. Mais il reste encore beaucoup à faire malgré les avancées, les acquis que nous avons pu avoir. On a pu aussi travailler de manière à changer, à modifier les lois. On a été ensemble avec d'autres organisations au Parlement pour faire ratifier la Convention BLM d'Opara. Et parce que, en termes de cadre juridique, il n'y a pas beaucoup de lois en Haïti qui protègent les femmes contre les violences faites aux femmes. On a fini avec cette partie. Il a fallu recommencer pour et avoir une loi au niveau local qui redéfinit et la question du viol. Jusqu'en 2005, par exemple, le viol était considéré comme un crime contre l'honneur, pas un crime contre la personne. Donc, en 2005, grâce au travail de plaidoyer que nous avions mené, nous avons pu faire changer cette définition de la loi au sujet du viol. Et c'est ainsi qu'on a pu avoir ce décret avec des peines assez lourdes contre c'est de 10 ans, de 15 ans et même une condamnation à vie pour les agresseurs sexuels et en position d'autorité sur la victime. Mais malgré tout, ça c'est un pan. Il y a beaucoup d'autres lois et dans le code civil, tout comme dans le code pénal, qui restent à changer. Il y a un plan, une politique sur l'égalité, égalité homme-femme, qui existe aujourd'hui grâce au travail qu'on a fait. Mais là, ça existe. C'est dans les tiroirs du ministère à la condition féminine. Il faut encore se battre pour que on puisse arriver à mettre cette politique en application. Parce que c'est pas la ministre qui va faire activer les choses s'il n'y a pas, après elle, de la pression et des militantes, des défenseurs des droits des femmes, ça pourrait rester toujours dans le tiroir sans qu'on puisse faire quelque chose avec.